بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في مسألة 69 مسألة أنا يوم بس سرتن في كل الله عز وجل لا تدركه الأبصار dans le sens où Allah عز وجل dit que les regards ne peuvent l'atteindre, ne peuvent le cerner. Sourate Al-An'am, verset 103. Là, c'est une mas'ala qui est liée à la vision d'Allah Azzawajal. Mas'ala qui est importante dans l'aqidah, qui est parmi les fondements de l'aqidah de l'Al-Sunnati wa Jama'a, sur laquelle il y a Ijma'. Comme cela va être cité, que Allah Azzawajal sera vu par les gens du Jannah, par les croyants. Et même, fi Ghalasat al-Qiyama, et il y a un khilaf par rapport aux mécréants. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. Donc ce noble verset laisse penser que Allah Azzawajal ne sera pas vu par la, yani ne peut être vu, que Allah n'est pas visible. Et d'autres versets viennent pour montrer le contraire, que Allah sera visible. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, des visages ce jour-là resplendissants, regardant leur Seigneur. Al-Qiyama, versets 22 et 23. Wa qawlihi ta'ala, que ceux qui ont été bienfaisants, ils auront la meilleure des récompenses, plus un ajout. Yunus, verset 26. Wal-husana al-jannah. Et cet ajout, c'est le jannah. Wa-ziyada. Afwan al-husna, c'est la meilleure récompense, c'est le jannah. Wa-ziyada, l'ajout, c'est an-nazar li-wajhi al-karim. Le fait de regarder le visage d'Allah. Wa-kazalika qawluhu lahumma yasha'un fiha wa ladayna mazid. Ils y auront tout ce qu'ils veulent et auprès de nous, un supplément. C'est-à-dire dans le jannah. Les croyants auront ce qu'ils veulent et ils auront un supplément. Sourate Kaf, verset 35. Et ce supplément, c'est justement la vision d'Allah Azzawajal. Al-Ahad al-Qawlayn wa kakawlihi ta'ala fil kuffar kalla innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun. Également, selon le khilaf qui est par rapport au kuffar, comme dans sa parole où il dit que non, ils seront certes voilés de leur Seigneur, c'est-à-dire les mécréants. Al-Mutaffifin, les fraudeurs, verset 15. وَيُفْحَمُ مِنْ دَلِيلِ خِطَابِهِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسُ مَحْجُوبِينَ عَنَ رَبِّهِمْ. Donc ce verset-là, si Allah Azza wa Jalla précise que les kuffars ne verront pas leur Seigneur, cela implique que les croyants, eux, le verront. قَالَ. Maintenant, il va répondre comment joindre entre ce verset-là et les autres. الْجَوَابِ مِنْ سَلَسِ أَوْجُوهُ الْأَوَّلُ أَنَّ مَعْنَا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ أَيْ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُنَافِي الرُّؤْيَا فِي الْآخِرَةِ. Donc, premier sens qu'on pourrait trouver à ce verset, c'est que les regards ne peuvent l'atteindre, c'est-à-dire en cette dunya. Ce qui n'empêche pas que cela peut avoir lieu, fil akhira, dans l'au-delà. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا قريب في المعنى من الأول. Et également que c'est un verset qui a un sens عام. Et qui est spécifique pour la vision seulement des mu'minines dans l'au-delà. Et ce sens-là, il est proche du sens précédent. D'accord ? Cela est proche du sens précédent. Wa salis wa wal haq. Troisième, et qui est la parole choisie par l'auteur. An al manfiya fi hadhi al aya al idrak al mush'ir bil ihata wal kunhi. أما مطلق رؤيتي فلا تدل الآية ولا نفيه بل هو ثابت بهذه الآية القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. Donc c'est que la chose que ce verset nie, c'est l'idrak, c'est-à-dire le fait de cerner la chose dans son intégralité et dans son essence. Maintenant, l'idrak. Mais quant au fait de voir la vision au sens propre du terme, le verset ne s'oppose pas à cela. Voire même que cette vision est affirmée par les autres versets du Coran et les hadiths sahiha. Et cela, il y a ijma du jour de la sunna par rapport à cela. قال وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. Donc maintenant, la conclusion par rapport à ce verset, la réponse, c'est que l'idrak, ce qu'on appelle idrak, adrak, yudriko, c'est une chose qui est plus spécifique que la vision. لأن الإدراك المراد به الإحاطة. Car l'idrak, c'est le fait de cerner une chose, de discerner une chose, d'entourer une chose. والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته. Par exemple, les Arabes disaient quoi ? J'ai vu la chose, mais je ne l'ai pas cernée. Yani ra'aytu, c'est-à-dire la chose, tu l'as vue, mais tu ne l'as pas cernée. C'est-à-dire, l'idrak, la yamna al-ru'ya. Wa ma'na la yudriku al-absar, la tuhit bihi, kama annahu ta'ala ya'lamu al-khalqa, wa la yuhitu nabi ilma. Donc, le sens de que les versets, les regards ne l'atteignent pas, c'est-à-dire qu'ils ne le cernent pas, ne l'entourent pas. Comme par exemple, la création, Tayyib, connaît Allah Azza wa Jal. Ils ont la science de la présence d'Allah Azza wa Jal. Pourtant, ils ne servent pas avec leur, ils n'arrivent pas à le cerner avec leur science, dans sa réalité. Fi haqiqatihi. Et d'autres versets disent que le ilm, par rapport à notre Seigneur, l'ilm, même si les kassir ont là, et dans d'autres versets, il dit « La yuhitu nabi ilma » qu'ils ne le cernent pas par leur science. « Qala wa qad ittafaqa al-uqala ala anna nafi al-akhas la yastalzimu nafi al-a'am wa intifa al-idraki la yulzam minhu intifa al-mutlaq al-ru'ya ma'ana Allah ta'ala la yudriku kunhahu ala haqiqat ahad la yudriku kunhahu ala al-haqiqa ahadun min al-khalq. » Donc il dit qu'il y a justement ijma des gens dotés de raison, que le fait de nier une chose spécifique n'implique pas le fait de nier une chose générale. Et le fait que l'on puisse cerner Allah Azza wa Jal ne nie pas, ne rejette pas le fait de pouvoir le voir. Car personne ne peut cerner Allah Azza wa Jalla dans sa réalité, dans son essence, parmi sa création. Et parmi les preuves également, ce qui a été rapporté dans les deux sahih, selon Bukhari et Muslim, du hadith d'Abu Moussa, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son voile, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, son voile est une lumière ou du feu. Et que si jamais il le dissipait, le levait, c'est-à-dire pour que les gens le voient, les visages, tout ce qui atteindrait justement cette lumière-là, se verrait brûlé dans sa création. قال فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقة. Et donc ce hadith, il est clair que Allah, vous voyez, ne veut pas qu'on le voit en cette dunya. Tout comme on en déduit qu'on ne peut le cerner. قال والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا ويدل لجوازها عقلا قول موسى ربي أريني أنظر إليك لأنه لا يجهل الجائز في حق الله عز وجل عقلا. Donc maintenant il dit qu'en réalité la vision d'Allah عز وجل par les yeux, cela est permis par la raison en cette dunya et dans l'au-delà. C'est-à-dire cela est une chose qui n'est pas impossible. Car toute chose qui est présente est visible, comme la raison le démontre. Et la chose qui montre que cela est permis également, c'est la parole de Moussa alayhi salam, parce qu'il a dit, « Ô Seigneur, montre-toi afin que je te voie. » Et là, d'autres ulama le disent, comme l'auteur, comme Ibn Qayyim, et comme d'autres ulama, qui disent que Rabbi alini anzul ilay kale lantarani. Allah lui dit, tu ne me verras pas. Il ne lui a pas dit, la oura, que je ne suis pas visible. Allah ne veut pas qu'on le voie. Mais cela ne veut pas dire que cela soit impossible. Que s'il le voudrait, on pourrait le voir. Et d'ailleurs, Allah Azzawajal n'a pas blâmé Moussa pour cette question-là. Et Moussa est bien plus savant que le fait de poser une question sur laquelle une chose qui soit impossible. Donc plusieurs des ulama disent que cette vision, en réalité, elle est permise. Si Allah le veut, elle accorde. Mais il ne le veut pas. Mais là, il a promis qu'il sera visible. C'est pour les croyants, avec ijma, des gens de la sunna, yom al-qiyama. Et ce sera la meilleure des choses qui leur sera accordée au paradis. قال وما في الشر فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا ومن أصراح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة والعلم عند الله تعالى. Donc également au point de vue de la législation, cela est permis. Et que cela aura lieu dans l'au-delà, c'est-à-dire la vision d'Allah Azza wa Jal. Mais cela est, cela n'est pas réalisable dans cette dunya. Dans quel sens? Que Allah ne le veut pas. Mais s'il le voulait, cela serait une chose qui serait réalisable. Et parmi les choses qui démontrent que Allah sera vu yom al-qiyama, ce qui a été apporté par l'imam muslim Ibn Khuzayma, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que certes vous ne verrez pas votre Seigneur tant que vous ne mourrez pas. C'est-à-dire cela se fera après la mort. Et que tous les hadiths démontrant que les croyants verront leur Seigneur yom al-qiyama sont extrêmement nombreux. Et le ilm est auprès d'Allah Azza wa Jal. Fabi'ad al-Qad Naktafi. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.